Vous commencez, vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous commençons l'émission avec Camille Vellefeuve qui est avec nous au téléphone aujourd'hui. Bonjour Camille. Bonjour Valérie. Alors Camille, lors de ta chronique en septembre dernier, tu nous avais parlé du concept de déficit nature. Aujourd'hui, tu nous entraînes dans les territoires nordiques à la découverte du concept de la nordicité. On dirait que tu as un certain penchant pour les concepts. Et oui, il faut croire que j'aime bien démystifier les cadres théoriques employés en sciences. Et puis, avec l'hiver qui approche bientôt, je me suis dit que c'était le moment parfait pour vous parler de la nordicité et l'hivernité. Mm-hmm. Toutefois, on voit que l'hiver tarde à arriver. Oui. Bon, bien entendu, tout le monde a probablement déjà sa petite idée de ce qu'est la nordicité et le nord. Mais après ma chronique, j'espère que les auditeurs auront un regard nouveau et une façon de vivre l'hiver québécois qui sera différent. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qui est important de souligner, c'est que le concept de nordicité, maintenant utilisé à travers le monde en sciences, a été développé par un Québécois qui a fait ses études à l'Université Laval à Québec, soit M. Louis-Aymond Hamelin. La première mention du concept de nordicité s'est entre autres effectuée dans son ouvrage intitulé « Nordicité canadienne » qui est paru en 1975. Mm-hmm. Donc, ça fait déjà quelques années que le concept existe. Monsieur Hamelin s'est basé sur ses nombreuses observations effectuées dans le Nord québécois, mais également sur un ouvrage rédigé par un explorateur nordique canadien d'origine islandaise. Ici, je m'excuse à l'avance pour la prononciation du nom, M. Vilhjálmur Stefánsson, qui a publié The Friendly Arctic un peu auparavant, soit en 1969. Alors, M. Stefánsson, à travers son ouvrage, a surtout mis l'emphase sur le rôle de la neige et de la glace comme des agents de perturbation et des agents de modulation du territoire dans le Nord. Puis, il s'intéresse aussi, il s'est intéressé principalement à l'impact géomorphologique de ces perturbateurs. Alors, Monsieur Hamelin, c'est à partir de ses prémices, donc de ses observations que lui-même a effectuées, puis de ses nombreuses lectures, que ça a découlé sur plusieurs réflexions et questionnements. Puis, il en est venu à se demander, mais qu'est-ce que le Nord en fait? Et surtout, qu'est-ce qui définit le Nord? Ben oui, je pense que c'est une bonne question à se poser. Alors, justement, on le définit comment, le Nord? C'est quoi le Nord? C'est une vraiment bonne question parce qu'en fait, il y a plusieurs Nords. Ça peut en surprendre plus qu'un, mais oui, il y a plusieurs Nords. Puis, ça dépend de notre perception culturelle, mais aussi de notre position géographique. Ici, je vais donner quelques exemples pour vous illustrer tout ça. Donc, pour un Américain, par exemple, le Nord, c'est le Canada. Pour un Montréalais, le Nord, c'est passer de l'autre côté des ports du Nord dans les Laurentines. Mais pour un Abitibien, le Nord, c'est la baie James. Donc, on voit qu'ici, le Nord se déplace géographiquement. Oui, il remonte, hein? Oui, on voit, il monte de plus en plus. Donc, c'est vraiment une question de perception ici. Vous, Valérie, est-ce que vous vous percevez comme une habitante du Nord? Ben, tenant compte de ce que tu viens de nous dire, je me dis pas tout à fait. Là, il y a des gens qui habitent pas mal plus au Nord qu'ici à Québec. Donc, c'est vraiment ça, en fait, la réponse. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être aussi que ça va dépendre de la saison. Si je pose la question en été, peut-être que ça va pas être la même réponse qu'après une tempête hivernale pendant que les gens déneigent leur entrée de cours, par exemple. Donc, les réponses sont variables. Puis, en fait, c'est comme ça que le concept de nordicité évolue. Donc, le concept, en tant que tel, entre dans une démarche de compréhension globale de notre territoire, mais aussi dans la perception qu'on a de ce territoire-là. Donc, à la base, l'une des références employées pour déterminer le Nord, mis à part celui des précipitations neigeuses, c'est celui de la limite septentrionale de l'agriculture, c'est-à-dire de la limite nordique de tolérance de certaines espèces, telles que la limite où peut pousser le blé, par exemple. Donc, parmi les autres références qui sont grandement employées, on a aussi celle du cercle polaire arctique, où l'on peut trouver le soleil de minuit, par exemple, mais aussi les températures froides, généralement celles qui se définissent en dessous de 0 degré Celsius. Peut-être celle où on trouve du permafrost aussi? Oui, également. Oui, également. Donc, le concept de nordicité, s'exprime selon Hamelin, et ici je le cite, c'est un état et un niveau polaire dans l'hémisphère boréal. En fait, les éléments du Nord, qu'ils soient idées, frontières, vocabulaire, habitants, choses et milieux, se prêtent à un tel examen. Donc, comme il décrit dans son ouvrage, le Nord s'est principalement perçu comme étant un tout, un ensemble, puis pourtant, comme je l'ai mentionné plus tôt, il existe plusieurs Nords. Donc, l'image même du Nord est perçue différemment par les sudistes, mais également différemment à l'intérieur des populations qui l'habitent. Mmh. Donc, c'est assez particulier. Il existe ainsi un Nord qu'on peut dire géographique, plus physique, si on veut, mais aussi un Nord mental qui est habité par une culture qui est propre à son territoire. Mmh. Donc, si je me fie aux exemples que tu viens de nous donner, ben, il y a un Nord tangible ou géographique, donc celui lié à l'environnement nordique, mm-hmm. et il y a le Nord intangible ou culturel, celui qui est imaginé, vécu par les différentes populations, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. Puis, depuis, on doit à M. Hamelin un large vocabulaire qui est lié au Nord et à la nordicité. En fait, si on veut, il a développé tout un dictionnaire uniquement pour le Nord. Par exemple, on y doit au-delà de 600 mots, 600 termes, dont celui de pergélisol, mm-hmm. qui est un sol gelé en permanence. Celui également de blocs glaciels, qui sont les blocs qu'on peut voir flotter sur le Saint-Laurent en hiver, mm-hmm. si on veut, des mini-icebergs. Puis aussi celui d'autochtonie, qui est tout ce qui est lié à la culture autochtone. Parce que c'est aussi important de souligner que non seulement il va s'intéresser au Québec physique, mais il s'intéresse également aux gens qui occupent le Nord, soit les Autochtones. Il va y accorder beaucoup d'importance dans ses ouvrages. La question de l'occupation de cet espace, qui est perçu probablement comme étant vide par les Autochtones vivant au sud de la province, mm-hmm. c'est aussi un sujet qui va être brûlant pour lui. Ici, je m'explique, le territoire nordique va souvent être perçu comme étant immense, même inhabité, voire inexploité, ou encore sporadiquement occupé par quelques populations. Pourtant, le Nord canadien ou le Nord québécois, ce n'est pas un territoire qui est vide. Toujours selon la vision d'Hamelin, l'étendue de cet espace ne doit pas être interprétée selon une logique occidentale, mais bien comme une entité culturelle. Mm-hmm. Et ici, pourquoi culturel? Parce que, d'une façon, les mœurs, les coutumes et même les croyances des Autochtones vont façonner le paysage nordique. Et à l'inverse, le territoire et la saisonnalité vont façonner à leur tour le mode de vie de ces peuples. Ah oui. Donc, c'est vraiment un ensemble qui va être intradynamique et intimement connecté et complexe. C'est la fameuse relation nature-culture qu'on étudie en géographie. Donc, ainsi, on peut dire que la nordicité ne fait pas seulement référence à la donnée climatique qui est le froid, comme on l'entend souvent, mm-hmm. mais c'est bien aussi ce qui la compose et un ensemble d'éléments qui va alimenter l'imaginaire nordique mm-hmm. également. Mm-hmm. Donc, tel que tu viens d'expliquer, le Nord est également culturel, mais est-ce qu'il est possible de dire que les Québécois assument leur nordicité? Bien, c'est une question qui est vraiment difficile à répondre. Parce que, d'une part, il existe une polarisation au Québec à ce niveau. D'une part, on va observer le phénomène des snowbirds, soit celui des Québécois qui préfèrent fuir l'hiver et fuir le froid et la neige pour hiverner dans une région ou un pays plus chaud, comme la Floride, par exemple. Mais, d'une autre part, depuis quelques années, on ressent aussi que les Québécois nouent de nouveau avec l'hiver à travers différentes activités et événements qui sont organisés à l'extérieur pendant la saison froide. On peut donner quelques exemples, comme la ville de Québec, qui se positionne comme la capitale du tourisme hivernal grâce, entre autres, au Carnaval de Québec, mm-hmm. à l'Hôtel de glace ou encore à des événements comme celui du Red Bull Crash Ice, par mm-hmm. exemple. Ce phénomène se voit aussi à la grandeur de la province. On peut penser ici à la fête des neiges qui est organisée dans plusieurs municipalités, à la montée en popularité du ski de fond et de la raquette aussi. Donc, ce sont toutes des activités qui vont favoriser l'apprivoisement des Québécois avec leur hivernité. Aujourd'hui, c'est certain qu'il existe un intérêt grandissant envers le Nord, que ce soit à travers notre hivernité, comme les exemples que je viens de mentionner plus tôt, mais aussi à travers la science, donc à travers des centres d'études consacrés aux études sur le Nord, comme le Centre d'études nordiques à l'Université Laval, par exemple, ou encore à travers des enjeux économiques comme ceux du Plan Nord. Mm-hmm. Il y a également des impacts, de plus en plus les gens vont être orientés par les impacts des enjeux des changements climatiques dans l'extrême nord du Québec. Tout cela pour dire en fait que le Nord, mais surtout la nordicité, sont des sujets chauds en ce moment dans l'actualité, et ce malgré l'hiver qui arrive à grands pas. Mm-hmm. J'espère que vous allez apprécier, que vous allez vivre votre hivernité avec un nouveau regard cette année grâce à ces quelques éclaircissements. N'en doutons pas. Puis on peut ajouter aussi, par rapport à cet intérêt pour le Nord, la création récente de l'Institut nordique du Québec, qui souligne l'intérêt pour une meilleure compréhension globale du Nord. Oui, effectivement. Alors, merci Camille, et puis on se revoit pour une prochaine chronique dans pas très longtemps, peut-être en décembre. Oui, oui, vous allez me voir au rendez-vous. D'accord, merci. Merci beaucoup Camille. Merci Valérie, au revoir. Au revoir. Alors, on va faire maintenant une pause musicale sur CKRL au 89.1, et au retour, on vous parle de Clark Patterson, de plomb dans l'essence et de l'âge de la Terre.